Chapitre 4. Gagner les rebelles par l'amour. Se mettre à la place de Dieu, c'est-à-dire s'imaginer avoir, ou chercher à exercer, ses pouvoirs et ses privilèges divins, est un blasphème. Mais il est une toute autre façon de prendre la place de Dieu. C'est de chercher à voir les choses de son point de vue. Einstein a dit un jour que la science, c'est penser les choses de Dieu de son point de vue. Mais nous n'avons pas besoin d'être un scientifique pour faire cela. Mettez-vous un moment à la place de Dieu. Vous avez créé un univers parfait. Vous avez créé des anges parfaits, ainsi que des humains. Vous leur avez donné pleine liberté, la liberté de choisir. Leur donner la liberté vous garantissait qu'ils vous serviraient et vous vénéraient parce qu'ils l'ont choisi et non par obligation. Mais les laisser libres de choisir vous fait courir un risque. Ils peuvent faire le choix contraire. C'est ce qu'ils firent, malheureusement. Et sur la Terre, alors que les êtres humains ont continué à se multiplier, la grande majorité d'entre eux s'est rebellée contre vous. Cependant, malgré leurs conditions pécheresses, quelques fidèles ont choisi de vous adorer comme leur Créateur. Les premiers héros de la foi, âgés de 700, 800, 900 ans, sont finalement morts. Le monde est devenu si méchant que seul un déluge permet de nettoyer la terre des pécheurs qui l'habitent et de recommencer avec une poignée de fidèles, les membres proches de la famille de Noé. Mais, le temps passant, les hommes ont recommencé à se multiplier et à se répandre sur la terre. Et voici qu'à nouveau, la plupart se sont retournés contre vous. Comment allez-vous gagner à votre cause les rebelles? Comment allez-vous atteindre les méchants, les impies, les païens? Allez-vous envoyer des anges fidèles pour leur prêcher? Allez-vous demander à quelques-uns de vos fidèles sur la terre d'avertir les méchants obstinés en plaidant avec eux, leur faisant des sermons, condamnant leurs péchés? L'idée de Dieu. Si le problème à résoudre avait été le vôtre ou le mien, nous aurions bien pu choisir une de ces solutions. Mais Dieu avait une autre idée. Il va se révéler à eux. Il va leur démontrer son caractère d'amour et se confier dans la force de cet amour pour les ramener à lui. Mais il ne le fera pas en personne. Il le fera au travers de ses fidèles partisans sur la terre. Le temps est arrivé, cependant, où cette tâche est devenue trop grande pour le petit nombre de fidèles. Aussi, Dieu ne confiera pas cette tâche à quelques individus dispersés, mais à une nation tout entière, une nation qu'il choisira et bénira dans tout ce qui pourra révéler son amour à ses voisins incrédules. Dieu a d'abord révélé son projet à Abraham, quelque part vers 1800 avant Jésus-Christ, entouré par le paganisme, l'idolâtrie et l'apostasie. Abraham, ainsi qu'il s'appelait alors, demeura fidèle à Dieu. Quand Abraham fut âgé de 75 ans, Dieu lui parla et lui fit une magnifique promesse. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Genèse 12, 2-3. En plus de cette promesse, Dieu a aussi donné un ordre à Abraham. « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Abraham obéit à Dieu, sans hésitation, sans poser de questions. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit, sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse. Hébreux 11, 8-9. C'est ainsi qu'Abraham déménagea de son foyer familial à Haran vers le pays que Dieu lui montra, Canaan. Il n'est pas dans les intentions de ce livre d'écrire dans le détail l'histoire d'Israël depuis l'époque d'Abraham en 1800 avant Jésus-Christ, jusqu'à la venue du Christ sur la terre. La chaîne ininterrompue des fidèles, qui a commencé avec Adam et s'est poursuivie à travers les générations jusqu'à Abraham, a continué avec le fils d'Abraham, Isaac, et le fils d'Isaac, Jacob, qui prendra le nom d'Israël. Et bien sûr, les 12 fils d'Israël, qui devinrent les fondateurs des 12 tribus de la nation d'Israël. En tant qu'adventiste, il y a de bonnes chances que vous soyez déjà bien au courant de la longue histoire des patriarches, des prophètes, des rois, du long esclavage en Égypte, de l'Exode, des 40 ans dans le désert en chemin vers la terre promise, de la captivité babylonienne et de la division finale d'Israël en deux royaumes, celui du nord et celui du sud. Vous êtes de même au courant de la Pâque et de la mer Rouge, du Sinaï et du sanctuaire, des successives apostasies et repentances d'Israël, et des grands noms de cette histoire que sont Joseph, Moïse, David, Salomon, Samuel, Daniel et d'autres encore. Peu d'occupations sont aussi gratifiantes que celles qui consistent à lire l'histoire de la nation juive à partir de Genèse 11 dans les livres d'Ellen White que sont Patriarche et Prophète et Procès et Roi. L'objet de ce chapitre n'est pas tant de s'attarder sur l'histoire d'Israël, sa chronologie et ses dirigeants, ses dates et ses lieux, ses époques d'obéissance et d'apostasie. Au contraire, à nouveau, nous mettons en avant l'histoire de fidèles partisans de Dieu, la minorité fidèle qui lui est demeurée attachée, depuis l'époque d'Adam jusqu'à nos jours. Choisis pour une raison. Dans les quelques paragraphes qui suivent, nous traiterons d'Israël en tant que peuple élu, et la raison pour laquelle Dieu l'a élu. Dieu avait un gros projet pour la nation d'Israël. Il lui a confié des bénédictions et des promesses presque trop époustouflantes pour être appréhendées. Sous réserve d'obéissance, si elle se confiait pleinement en lui pour qu'il vive en elle et par elle, elle devait constituer un prodige pour les autres nations de la terre. Sinon, elle connaîtrait la défaite, la captivité même, de la main de ses ennemis. Nous savons déjà qu'Israël n'a répondu au plan de Dieu qu'en partie et une partie du temps seulement. Finalement, il rejeta si pleinement son Dieu, en la personne de Jésus, qu'il contribua à ôter la vie à son Créateur. Mais au plus profond de la déchéance d'Israël, au temps de sa plus grande apostasie, quelques fidèles, de loyaux et véritables partisans de Dieu, ont subsisté. Il en a toujours été ainsi avant Israël. Il en sera toujours ainsi après. Et le même choix que les Israélites ont eu à faire, il y a bien longtemps, nous devons le faire aujourd'hui, vous et moi. Nous placerons-nous de façon décidée du côté d'une totale fidélité à Dieu ? Lui resterons-nous attachés, même s'il semble parfois que non seulement le reste du monde, mais encore un trop grand nombre dans notre Église ou même dans notre famille, se détournent de lui. Revisiter le grand projet de Dieu pour Israël, c'est retrouver son identique projet pour son Église aujourd'hui, son plan pour votre vie et pour la mienne. Et quel était ce projet ? Elle, la nation juive, devait mettre en évidence les principes de son royaume. Au milieu d'un monde déchu et pervers, elle était destinée à représenter le caractère de Dieu. En sa qualité de vigne du Seigneur, Israël devait produire des fruits tout à fait différents de ceux des nations païennes. Le privilège d'Israël était donc de représenter le caractère de Dieu. Ellen White, Les paraboles de Jésus, page 246. Le plan du Seigneur était que la révélation de son caractère à travers son peuple attire les hommes à lui. Ibid, page 250-251. La mission d'Israël, la raison pour laquelle Dieu l'a élu pour représenter le caractère de Dieu devant les nations impies et rebelles. Et comme Dieu l'a révélé à Moïse, son caractère est celui de la bonté. Une bonté qui comprend la miséricorde, la grâce, la patience, la vérité et le pardon. Pour tout dire, toute la bonté de Dieu se révèle dans son amour. Dieu voulait ramener à lui un monde rebelle qui lui a tourné le dos. Et son plan était de l'atteindre au moyen de son peuple élu. Son projet était que le peuple d'Israël mette en valeur son caractère d'amour dans sa façon de vivre, et qu'à travers lui, son amour ramène le monde à lui. Le plan de Dieu était de communiquer par l'intermédiaire des Juifs de riches bénédictions à tous les peuples de la terre. Il devait ouvrir un chemin pour que la lumière divine soit diffusée au monde entier. En s'abandonnant à leurs coutumes perverses, les nations avaient perdu la connaissance de Dieu. Mais, dans sa miséricorde, le Seigneur ne les avait pas anéantis, car il désirait leur donner, grâce à son Église, une occasion de venir à lui. Ibid. Point 247. Notez comment Israël devait gagner les nations pour les ramener à Dieu. Était-ce en condamnant leur manière idolâtre, méchante, païenne, quelque chose de meilleur? Trop souvent aujourd'hui, même des prédicateurs bien connus condamnent publiquement les péchés de ceux qui vivent sans Dieu. Ils menacent les pécheurs des terribles jugements de Dieu. Ou, quand surviennent des désastres naturels, ils en font des témoignages de la colère et du déplaisir de Dieu. Est-ce à cela que Dieu nous appelle? Est-ce à cela qu'il a appelé Israël? Les peuples de la terre adorent de faux dieux. Nous devons les en détourner, non en dénonçant leurs idoles, mais en les amenant à la contemplation de quelque chose de meilleur. Il faut leur révéler la bonté de Dieu. Ibide. 258-259. Oui, ceux qui vivent sans Dieu tombent dans des péchés vraiment abominables. Mais que ce soit l'Israël d'autrefois ou l'Église d'aujourd'hui, la mission des disciples de Dieu est-elle de condamner, de dénoncer, d'appeler les jugements de Dieu? Ou doivent-ils plutôt montrer au monde quelque chose de meilleur? Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur? N'est-ce pas la bonté de Dieu? Son caractère? Son amour? Le plan de Dieu a-t-il jamais été d'atteindre le monde pécheur au moyen de ses fidèles en le menaçant, en le condamnant avec colère, de le persécuter pour ses péchés? Le seul chemin de Dieu pour ramener les rebelles à lui n'est-il pas de leur montrer son amour si clairement qu'ils reviennent irrésistiblement à lui? Comme le dit un vieux proverbe, vous attrapez plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Et si cela est vrai pour de vulgaires et vilaines mouches, c'est aussi vrai pour ceux qui sont embourbés dans la crasse du péché. Dieu n'a pas besoin de procureurs généraux, il a davantage besoin de témoins qui disent la vérité à son sujet. Dieu désirait que son peuple serve à la louange et à la gloire de son nom. Il lui accorda tous les avantages spirituels. Il ne lui refusa rien de ce qui pouvait contribuer à la formation d'un caractère qui le représente dignement. Ibide, page 249. Mais en dépit de toutes les bénédictions permises par Dieu, en dépit des ressources illimitées mises à sa disposition, Israël n'a pas mis en œuvre le plan divin. Et parce qu'il a refusé de satisfaire aux conditions que Dieu avait établies, il n'a pas goûté à une grande part des bénédictions. Imaginez ce dont Israël aurait pu jouir. S'il les observait, ces lois, il serait préservé des maladies qui affectaient les autres peuples. Et une grande vigueur intellectuelle devait être son partage. Sa prospérité mettrait en relief la gloire, la majesté et la puissance de Dieu. Et il serait un royaume de prêtres et de princes. Le Seigneur lui fournissait tous les avantages pour devenir la nation la plus puissante du monde. Ibide, protection des maladies, vigueur intellectuelle, prospérité, toutes les bénédictions imaginables. Israël aurait pu être la merveille du monde, la plus grande nation de la terre. Mais tragiquement, il passera de longs siècles dans la défaite et la captivité. 8 mots obsédants suffisent à décrire l'échec ultime d'Israël. Mais la nation juive faillit à son mandat. Ibide, page 251. Comment cela s'est-il passé? A pu se passer? Il oublia l'Éternel, perdant de vue qu'il détenait le privilège immense de le représenter sur la terre. Les bénédictions qu'il avait reçues ne serviraient à rien au monde, car il exploitait tous ses avantages pour sa propre glorification. Il frustrait Dieu du service demandé, et il frustrait l'humanité de directives religieuses aussi bien que d'un saint exemple. Ibide, page 252. En tant que nation, Israël aurait pu remplir une mission si vaste qu'il est difficile de l'imaginer. Mais son échec fut catastrophique. Le peuple d'Israël se plaisait à dire qu'il était le favori du ciel et qu'il serait toujours considéré comme l'assemblée de Dieu. Descendant d'Abraham, il croyait que sa prospérité reposait sur un fondement si solide que ni le ciel ni la terre ne pourraient le déposséder de ses droits. Mais par son infidélité, il se préparait à être condamné par le ciel et séparé du Très-Haut. Ibide, page 255. Mais bien que la nation juive se soit finalement coupée elle-même de Dieu, ce monde ne fut pas sans connaître des hommes et des femmes qui restèrent fidèles à Dieu, qui l'aimèrent de tout leur cœur et le servirent loyalement, quoi qu'il en fût. La chaîne des fidèles demeura sans rupture. Quand Jésus est arrivé sur cette terre comme un nouveau-né, quelques-uns de ses fidèles accueillirent sa naissance avec joie et reconnaissance, bien que la grande majorité d'Israël l'ait rejeté ou même pas reconnu. Au cours des années de la croissance et des 3 ans et demi du ministère du Christ, ce monde n'a jamais été sans qu'il y ait des hommes qui auraient préféré mourir plutôt que d'être infidèles à leur Créateur et Messie. L'histoire de ce livre est celle des quelques fidèles que nous suivons depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Il s'agit bien plus que d'une histoire abstraite, car c'est une histoire qui nous implique, vous et moi. Comme jamais auparavant, cette année, ce mois-ci, ce jour-ci, il n'y a que deux positions possibles à l'égard de Dieu. Lui être fidèle et loyal, ou suivre sa propre voie. C'est un choix que vous devez faire avant de vous endormir pour une nouvelle nuit de sommeil, ainsi que demain, quand vous vous lèverez pour une nouvelle journée. À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus, et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.